Hey, c'est quoi ton jeu sur ton ordi? C'est des poules qui dansent? Ouais mec, c'est le nouveau jeu Pool Dance le Gaulois. C'est cool hein? Mortel, des poules qui dansent. En ce moment, avec le jeu Pool Dance le Gaulois, tu peux gagner un iPad et des bons de réduction. Rendez-vous sur legaulois.fr. Grand jeu gratuit le Gaulois du 1er mars au 31 mai sans obligation d'achat. Voir règlement sur legaulois.fr.